Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir le cours particulier en compagnie de Delphine Horviller, initialement diffusé le 12 mars 2021. Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Delphine Horviller. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne te quitterai pas. Mon amour, pourtant que je parte, tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi, tu m'attendras. Deux ans Ne pleure pas, je t'en supplie. Deux ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. Bonjour Delphine Horviller. Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la fin d'une histoire d'amour et la perte d'un être proche. L'une d'entre elles est que dans le second cas, dans la fin d'une vie, dans la mort donc, c'est une séparation sans retour possible. Oui, mais c'est toujours une rupture, c'est toujours un deuil, et on sait tous que pour grandir, il faut traverser ces deuils. Ça n'existe pas, une vie où il n'y a pas de cassure, où il n'y a pas de rupture. Et il faut toujours se poser la question de d'abord, est-ce qu'on peut s'y préparer ou pas? Et quand ça arrive, comment on fait pour que ce soit peut-être aussi... que ça garde une mélodie comme celle-là, comme celle qu'on vient d'entendre. C'est une mélodie qui mêle, et c'est sa force, cette mélodie, elle mêle de la légèreté, de la profondeur. On a l'impression qu'il y a du mélo un peu, voilà, presque un peu chewing-gum, mais en même temps... C'est Michel Legrand, oui, hein, les parapluies de Cherbourg. Voilà, en même temps, une vraie profondeur. Et moi, je sais que souvent, j'ai l'impression que je pourrais pas affronter les drames de l'existence s'il y avait pas un peu de Michel Legrand dans ma vie, c'est-à-dire un peu de légèreté. Et c'est ce que vous faites dans votre livre qui vient de paraître, Delphine Horviller, Vivre avec nos morts aux éditions Grasset. Vous racontez votre expérience personnelle et votre expérience professionnelle. Vous êtes rabbin. Une partie de votre métier consiste à accompagner les gens qui viennent de perdre un être proche, à les accompagner dans leur deuil, à les accompagner au cimetière, donc à les accompagner au sens propre et au sens figuré. Et pour parler de la mort, vous avez choisi dans ce livre de dire je, et donc vous parlez aussi de vos propres expériences de deuil, de séparation, également amoureuse. Est-ce que la seule manière de parler de la mort, c'est d'assumer l'impossibilité de la nommer frontalement et finalement de ne pouvoir parler qu'à partir de soi, du jeu qui parle. Oui, ça s'est imposé à moi, en fait, même de façon beaucoup plus violente que je l'imaginais. Moi, j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui des essais, beaucoup d'essais, et je me suis rendu compte que les essais me permettaient de garder à distance l'affect en m'enveloppant du texte, de l'exégèse, du Talmud, du savoir. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que j'écrive sur la mort, j'ai rapidement compris qu'elle me laisserait pas en parler sur le mode détaché. Et qu'en réalité, la seule façon dont je pouvais construire ce livre était d'en faire une tresse, en fait. C'était vraiment vraiment l'image que j'avais en tête. Il fallait que je tresse l'histoire des vies que j'avais pu accompagner, avec bien sûr de la pensée juive, de la réflexion, de la philosophie, et avec une expérience très personnelle. Donc oui, je crois que face à la mort, en fait, parce que c'est un langage qui exclut les mots, enfin, c'est étrange à dire, mais ouais. La mort, c'est vraiment le lieu qui échappe au langage. On ne sait pas en parler. Et parce qu'on ne sait pas et on ne peut pas en parler, quand elle surgit, la seule chose qui nous reste, c'est de pouvoir raconter la vie. Raconter la vie, et cette vie, elle se raconte jamais aussi bien que quand le narrateur raconte sa propre finitude, sa propre vulnérabilité, en fait. Donc voilà ce qui m'a amené à devoir me dénuder beaucoup plus que d'habitude dans ce livre et me raconter plus que j'en avais l'habitude. D'autant que j'imagine qu'en tant que rabbin, vous avez un rôle à jouer qui est parfois sans doute difficilement compatible avec votre propre intimité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans mon rôle de rabbin, là où je me tiens, lorsque j'élève la voix, je dois tout le temps être consciente que c'est pas ma voix simplement qui parle, mais la voix de la tradition, parce que je suis là pour incarner quelque chose de beaucoup plus grand que nous, de beaucoup plus long que nos vies, quelque chose qui était là avant et qui sera là après et qui représente une transcendance à nos existences personnelles. Donc je suis là pour incarner la tradition, mais en même temps je ne peux le faire que si au moment où j'élève la voix, je suis très clairement en connexion avec mon humanité, mes failles et tout ce qui est tout aussi cassé en moi que chez la personne que j'accompagne. Donc c'est parfois très compliqué cette position d'être à la fois plus grand que soi et aussi petit que soi quand on accompagne. Vous dites il fallait, quand j'ai compris qu'il fallait que j'écrive sur la mort, pourquoi le fallait-il ? En fait, depuis des années, c'était presque devenu un sujet de plaisanterie. Parfois, l'humour est la plus grande des profondeurs. Mais mes amis m'appelaient très souvent. Je décrochais le téléphone et je leur disais « je te rappelle après l'enterrement, je te rappelle après mon enterrement ». Et c'était devenu presque une blague. Tous les jours, mes proches me disaient « qui est mort aujourd'hui ? Comment va la vie au cimetière ?» Parce qu'effectivement, en tant que rabbin, je passe un temps considérable de ma vie dans des lieux où les gens d'habitude ne vont pas ou vont le plus rarement possible. La maison des endeuillés, les soins palliatifs, le cimetière. Et à un moment donné, j'ai quand même été obligée de me poser la question quand on me demandait « ça te fait rien d'approcher la mort au quotidien ? Vraiment, ça n'a pas d'impact sur toi ?» J'ai esquivé pendant des années en répondant tout et n'importe quoi, en disant « non, je m'y suis habituée » ou bien « oui, mais je gère ». En fait, j'esquivais cette réponse jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'y confronte et que je sois prête à comprendre qu'est-ce qui me permettait de me tenir là ? Qu'est-ce qui, dans ma vie personnelle, m'avait mené à faire ce choix de faire dialoguer tellement la vie et la mort dans mon existence ? Et donc, je savais depuis un moment que j'allais écrire ce livre. Je le repoussais un peu parce que, comme tout le monde, moi aussi, j'ai des pensées magiques un peu conjuratoires et je me disais que écrire sur la mort, c'était une façon de la faire rentrer un peu trop dans ma vie. Et peut-être la volonté de la tenir à distance faisait que je repoussais ce moment. Mais je savais qu'il viendrait. Et alors, qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, vous a conduit à choisir cette voie-là ? Alors là, des années de psychanalyse ne répondraient pas à cette question. En fait, je ne sais pas exactement ce qui m'a poussée à être là. Ce que je sais, c'est que la mort est rentrée dans ma vie très tôt. Parce que je suis née dans une famille où elle murmurait, où en tout cas les fantômes étaient extrêmement présents. Je suis héritière d'une histoire douloureuse, enfin comme beaucoup de gens, il se trouve que dans mon histoire, il y a eu la Shoah, la famille de ma mère a été décimée dans la Shoah, et en fait, on m'en a jamais parlé, parce que ma famille maternelle faisait partie de ces survivants de la Shoah qui étaient incapables de raconter ce qui leur était arrivé. Ils étaient murés dans un mutisme absolu, mais étrangement, il me semble qu'enfant, j'ai toujours tout su sans savoir, que en fait, ce silence m'a fait comprendre très très jeune que j'étais héritière de cette survivance. Et que en fait, mes grands-parents qui étaient des survivants, mais qui de plein de points de vue étaient des sous-vivants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment en vie, c'était un peu comme des morts vivants, mes grands-parents rescapés, m'ont transmis quelque chose qui était de l'ordre de la survie, mais cette fois-ci au sens étymologique, c'est-à-dire j'ai eu l'impression très jeune que ma vie devait être remplie de beaucoup plus de vie parce qu'il y avait eu la mort et qu'en réalité ma vie devait être encore plus vivante parce que j'étais là aussi pour réparer quelque chose. Et ça, c'est un truc très commun, je trouve, chez les enfants. Moi, maintenant, j'ai des enfants, je m'en rends compte aussi que chez beaucoup d'enfants, il y a un syndrome de messie ou de petit messie. Vous savez, on arrive au monde dans la conscience qu'il y a eu de la cassure, dans le monde qu'on rejoint, de la brisure, et on se sent investi de colmater les failles, de réparer. Et moi, j'ai eu l'impression très jeune que j'avais cette conscience-là, que ma vie devait être très pleine de vie pour contrer la mort. Il y a eu une prise de conscience particulière, vous vous souvenez quand c'est arrivé ? Non, mais je me souviens d'un épisode que j'ai... Bon, il y a un épisode que je raconte dans le livre, que d'ailleurs j'avais jamais raconté avant ce livre. Ce qui est d'ailleurs troublant pour moi aujourd'hui d'en parler. Je peux en parler parce que je l'ai écrit maintenant, mais pendant plus de 30 ans, je n'ai jamais dit un mot à qui que ce soit. Une nuit de mes 10 ans, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu une rencontre avec la terreur de fin de vie, de la disparition. J'ai cru que je m'étais empoisonnée. Enfin, une histoire un peu en tant que telle, sans grande importance. Mais Si, vous avez quand même mangé une partie d'un jouet de votre frère. C'est ce que vous racontez. Vous avez ingurgité d'une sorte de résine, c'est ça, qui recouvrait, oui, le jouet de votre frère, sans, oui, savoir pourquoi. Et vous avez été persuadée que vous étiez empoisonnée, que vous alliez mourir. Oui, voilà, j'ai avalé un petit morceau de plastique, mais effectivement, à ce moment-là, l'imaginaire de l'enfant que j'étais a fait le reste. J'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai prié pour la première fois de ma vie pour essayer d'être sauvée. J'étais chez mes grands-parents ce soir-là. Et mon grand-père est venu me voir. Mon grand-père était rabbin. C'était un peu le sage de la famille, la figure du patriarche. Et il a perçu mon mal-être, ma tristesse. Il est venu me parler. Je raconte dans le livre, voilà, qu'il a fait quelque chose d'assez incroyable. Cette nuit-là, je lui ai raconté ce qui s'était passé, il est parti chercher ce petit jouet, ou ce qu'il en restait de ce petit jouet en plastique. Et devant moi, il l'a mangé. Et c'était pas juste une façon de me dire que je risquais rien, que c'était inoffensif. Au contraire, pour moi, ça voulait dire l'inverse. Ça voulait dire que j'allais peut-être mourir, mais qu'il serait là. Et qu'il serait à mes côtés. Et qu'il était prêt à prendre le même risque. Et il me montrait, je crois, cette nuit-là, ce que ça voulait dire de se tenir à côté de quelqu'un dans la détresse. Mais j'en ai jamais reparlé avec lui. C'est resté comme un pacte secret, de mon point de vue, qu'on avait conclu cette nuit-là. Et j'ai eu l'impression que peut-être, j'avais engagé ce dialogue avec la mort cette nuit-là, mais aussi j'avais fait une entrée particulière dans ma religiosité. C'est ça, parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes aux côtés des personnes qui sont dans la détresse de la mort. Oui, en fait... Effectivement, peut-être que je rejoue la scène autrement. Parfois, je me demande si, aux côtés des endeuillés, je ne suis pas moi aussi en train d'avaler un petit bout de plastique. En fait, je me pose la question tout le temps de ce qu'on peut faire quand on se sent tellement impuissant. En fait, il ne nous reste pas grand-chose à faire face à la mort, si ce n'est nous tenir là, tenir l'autre dans nos bras, parler, dire, raconter. Et en fait, c'est des armes de reconstruction massive, ça. Mais sur le moment, on ne s'en rend pas toujours compte. La parole. La parole est plus que la parole, la mise en récit. Moi, je crois que la narration, la mise en récit, est clé dans les moments dramatiques de notre existence. Que, en fait, la façon dont on va raconter une histoire, elle peut se raconter de bien des manières. Vous savez, quand quelqu'un meurt, vous avez le choix entre raconter sa vie par la fin, raconter sa vie par le drame ou par la tragédie, ou vous pouvez décider que vous allez raconter sa vie par le début, par la joie, par la lumière. Vous pouvez le raconter comme un western, comme une comédie romantique, comme un thriller. Vous pouvez choisir le registre dans lequel vous inscrivez ce récit. Et ça change tout à la suite de l'histoire. Parce qu'en réalité, le dialogue avec les morts, il continue bien après leur disparition. Et la tonalité et la couleur qu'on a créée au moment où on les raconte, au moment de leur mort, souvent imbibe ou colore le reste de la conversation. Donc vous voulez dire que ce qui se passe au moment où on accompagne un mort, le moment de la sépulture, le moment de l'enterrement, enfin selon les religions, détermine la manière dont le deuil, mais c'est peut-être pas le bon mot en fait, mais dont la personne chère qui vient de mourir va nous accompagner ensuite. En tout cas, c'est un moment critique parce que c'est un moment où je trouve que la lumière d'une vie clignote d'une certaine manière. Il faut être à l'écoute de tout ce qui se dégage à ce moment-là, au moment où la personne nous quitte, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Dans toutes les traditions, on ritualise le temps qui passe dans le deuil. Dans le judaïsme, on compte les jours et puis on compte les semaines et puis on compte les mois et puis on compte l'année. Et c'est très critique, ce démarrage du décompte. C'est pour ça que on peut s'inquiéter de ce qui s'est passé ces derniers mois, particulièrement autour de la pandémie, de l'incapacité qu'ont eu les gens d'accompagner les leurs. Moi, j'ai entendu bien des fois une phrase absurde qui m'a été répétée, des gens qui me disaient « on peut pas commencer le deuil maintenant, on fera ça plus tard ». Vous voyez, des gens qui vous disaient « bon, mon père, ma mère ou un proche est mort, mais là on ne peut pas faire d'enterrement, on ne peut pas réunir les gens. L'année prochaine, ou dans quelques mois, ou quand ce sera possible. Ça marche pas. C'est pas possible, ça n'existe Pourquoi pas. En fait, il n'y a pas de possibilité de décaler le début d'un deuil. Le deuil, il commence quand la personne disparaît, quand elle n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de possibilité de ritualiser plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen, un peu plus tard, de s'engager dans une autre forme de conversation, de se retrouver, d'évoquer la mémoire. Tout ça, c'est possible. Mais ce qui n'est pas possible, c'est de faire comme si ça ne s'était pas passé. En fait, ça s'est passé et il va bien falloir trouver les mots ou le juste silence pour le raconter. Et pourtant, certaines personnes vous diront que cet événement qu'est la mort, qui se passe en quelques secondes, peut être anticipé. Dans le cas de fin de vie qui dure longtemps, on se dit qu'on a eu le temps de se préparer, que le deuil commence parfois avant même que la personne soit décédée. Et donc, faut-il à tout prix associer la mort elle-même avec le début du deuil? Est-ce qu'il peut pas commencer avant? Et malheureusement, souvent, il commence avant et il commence particulièrement avant dans le cas de certaines maladies. On le sait, par exemple, moi, j'accompagne souvent des familles qui, une personne à leur côté connaît une maladie neurodégénérative ou la maladie d'Alzheimer, enfin, où effectivement, il a fallu commencer un deuil bien avant parce que la personne qu'on a connue n'est pas la personne qui est à nos côtés à l'instant où elle meurt. Mais pourtant, pour moi, c'est extrêmement important au moment où cette personne meurt, de surtout ne jamais laisser la fin kidnapper la vie de quelqu'un. C'est terrible de laisser les derniers temps d'une vie tout dire de votre vie ou vous résumer ou vous raconter. En fait, il y a un devoir des vivants de permettre à la vie d'être racontée par d'autres lieux que par la tragédie ou par la faim ou par la maladie. Voilà. Pour poursuivre notre cours sur la déportation, nous allons parler aujourd'hui... Un jour, ils mettent une plaque en hommage aux enfants morts dans les camps qui avaient vaguement passé une année dans mon collège. Or, la déportation des Juifs, c'est mon petit trésor caché. Et j'aime pas trop qu'on me fasse de la concurrence là-dessus. Élève de ce collège. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on appelle le devoir de mémoire? Oui? Ça veut dire qu'il faut se souvenir de ceux qui sont morts pendant la guerre. Et pour quelle raison? Parce que c'est des enfants innocents qui ont été assassinés et c'est trop triste si on les oublie. Et c'est pour ça qu'on met les plaques. Oui? Mais pourquoi se souvenir que de leur mort? Qu'est-ce que vous voulez dire, Martin? Si j'imagine que j'ai été assassiné et que tous les jours je passe devant ce truc qui me rappelle à quel point c'était horrible d'être assassiné, je suis pas sûr que ce soit très sympa. Je pense qu'on ferait mieux de se souvenir du jour où ils ont mangé de la crème chantilly pour la première fois, par exemple. On marquerait sur cette plaque, dans cette école, des enfants ont mangé de la crème chantilly pour la première fois. Ce serait plus sympa. Non, t'es bizarre, toi. Ça veut rien dire, ce que tu dis. Vous vous croyez malin, Martin? Donc non, hein. Je ne vous ai pas réunis ici pour parler crème chantilly, mais de déportation. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, cours particulier en compagnie de Delphine Horviller ce matin. On se demande comment vivre avec nos morts. C'est le titre de son dernier livre qui est paru aux éditions Grasset. Et vous venez d'entendre un extrait du Nom des gens, le film de Michel Leclerc qui date de 2010, où il est question de remplacer une plaque commémorative par une plaque qui commémorait non pas la déportation, mais le fait d'avoir mangé de la crème chantilly. Pourquoi cet extrait vous inspire? En fait, il peut sembler très choquant, provocateur. Bien sûr, on est en train de parler de la mémoire de la déportation, la mémoire des personnes assassinées dans les camps. Mais en fait, je trouve qu'il y a une vraie sagesse et profondeur dans ce que suggère ce petit adolescent. C'est que, bien évidemment, qu'il faut se souvenir de comment les gens sont morts, et particulièrement quand ils sont morts dans une tragédie telle à l'échelle de l'humanité. Mais en même temps, je crois qu'on doit, à nouveau, je pense qu'on doit aux morts de raconter aussi pleinement ce qu'a été leur vie, c'est-à-dire les moments de joie, les moments de découverte, les moments de plaisir, les moments de conscience. Et c'est ce qui veut dire, à travers cette image de la crème chantilly, comment est-ce qu'on fait pour raconter les gens à la hauteur de la richesse de ce qu'a été leur vie? La vie, en hébreu, ça se dit chaim, c'est un mot assez connu, et c'est un mot qui a la particularité de n'exister qu'au pluriel. Ça n'existe pas en hébreu de parler d'une vie. Vous avez tous des vies. En fait, le mot vie n'existe qu'au pluriel parce que aucun d'entre nous n'a une existence. Mais en fait, on a des bouts d'existence qui sont collés les uns aux autres. Et au moment de la mort, toutes ces vies, je crois, appellent à être honorées. Toutes ces vies appellent à être racontées. Mais est-ce qu'on a conscience que nous vivons plusieurs vies? Quelle forme ça prend? Parce que là, moi, j'ai l'impression de vivre une seule vie. Non, parce que moi, je pense que d'abord, Vous avez vraiment l'impression de vivre une seule vie? Moi, j'ai non, l'impression d'être, d'être plusieurs. Ouais. J'ai une vie, mais on est vraiment nombreux à la vivre. C'est plutôt comme ça que je la vivrais. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies qui sont enchaînées dans ma vie. D'abord, ouais. Parce que il m'a été donné de recommencer, de perdre, de me tromper, de changer d'avis, de m'égarer, de faire fausse route. Donc j'ai eu l'impression qu'il y a eu plusieurs vies dans ma vie qui se sont succédées. Et même dans chacune de ces périodes de vie, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une forme de schizophrénie, mais j'ai l'impression en tout cas qu'ont toujours dialogué en moi des voix qui racontaient des vies possibles, en fait. Et vous voyez, par exemple, on commençait sur Michel Legrand, et je disais que je suis attachée à la légèreté qu'il y a aussi dans ses chansons. Moi, je me rends compte que ce qui me permet, moi, d'accompagner toute la lourdeur, d'accompagner les morts, le deuil, la difficulté de cette tâche rabbinique d'accompagnement, ce qui me permet de le faire, c'est qu'il y a en moi, en permanence, la voix de quelqu'un de beaucoup plus léger, de beaucoup plus oui, attaché même à une forme de superficialité de l'existence, et que je suis la combinaison de ces vies. En fait, de ces voix. Ouais, c'est intéressant, cette voix, cette superficialité, c'est une forme, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'esquive, c'est une forme de déni, c'est une forme de protection, ou au contraire, c'est l'essence même de la vie? Pour moi, c'est tout aussi important que la voix de la profondeur, que la voix de la liturgie, que la voix du sacré. J'ai l'impression que c'est pas juste un échappatoire, que en fait ouais, souvent mes proches, mes amis se moquent ou plaisantent sur mon amour de la pop culture, des chansons de variété, de tout ce qui, mais qui pour moi est un autre langage sacré de ma vie. C'est-à-dire que je compte pas le nombre de fois où j'écris un discours à la synagogue où je mêle le Talmud et Jean-Jacques Goldman et tant d'autres, c'est-à-dire des éléments de culture populaire, de films, de légèreté, qui sont pour moi, oui, le sel de la vie, qui me permet de me tenir vraiment dans les moments dramatiques aux côtés des autres. Ce qui m'emmerde, c'est d'aller dans un trou. Mais il vaut mieux aller dans un trou que de se faire brûler. Il faut avoir été dans un camp d'extermination pour savoir quel est le rapport à la mort. C'est quand on a un camp dans la tête qu'on ne peut avoir que des idées pareilles. Ça, c'est sûr. Et moi, j'ai toujours un camp dans la tête. Mais bien sûr, on peut se laisser aller vers la mort, mais on peut aller vers la vie encore autant qu'on peut. Et peut-être qu'il arrive un moment où on ne peut plus. Mais tant qu'on peut, il faut tenir. Il faut vraiment tenir. Il n'y a pas d'autre solution que la force de vie qu'on a en nous. Voilà. C'est ce que je pense profondément. Vous écrivez dans votre livre, Delphine Horviller, Marceline, que vous venez d'entendre, Marceline Loridan-Evens, était une grande théologienne capable de disserter la clope au bec sur l'absence de Dieu à Auschwitz, l'orgasme féminin et les vertus de la vodka, une seule et même conversation sur le sacré de la vie. Oui, Marceline, c'est l'incarnation de tout ce que je viens péniblement d'essayer de dire. En fait, Marceline, elle avait dit, j'utilise volontairement son langage, je crois qu'elle, mieux que personne, elle savait dire merde à la mort. En fait, elle lui a dit, tout au long de la vie, elle lui a dit merde en faisant le choix du vivant, de la liberté, avec un sens extrêmement fort aussi du devoir, de la mémoire. Mais elle ressemblait, Marceline, dans son choix de vie, à sa coiffure. C'est-à-dire que c'était, elle était toute ébouriffée, c'était sauvage. Avec les cheveux rouges flamboyants. Les cheveux rouges flamboyants qu'on pourrait pas dompter. Et jusqu'au bout, en fait, elle a fait le choix. Elle a fait le choix de la vie, même dans la mort. C'est extraordinaire. Elle s'est choisie une sortie, Marceline, du grand Marceline, une sortie à nul autre pareil. Elle nous a quitté un soir de Yom Kippour, qui est un soir solennel de fête juive où, en principe, les juifs se retrouvent dans les synagogues pour une convocation rituelle extrêmement sévère, comme à un tribunal où Dieu nous convoquerait. Et ben, elle a décidé de pas y aller. C'est-à-dire que elle, le soir de Yom Kippour, plutôt que d'aller à la synagogue, elle a fait une sortie, voilà, une sortie un peu théâtrale. Elle est morte ce soir-là, mais du début à la fin de sa vie, elle a fait le choix, et elle l'a fait, le choix de la vie, elle l'a fait dans une combinaison subtile entre honorer la mémoire des morts, mais effectivement, être d'une légèreté incroyable, virevoltée comme, comme la fumée des pétards qu'elle a beaucoup fumée. Qu'elle a beaucoup fumée, en effet. Et alors, vous, quand vous parlez d'elle dans votre livre, vous en parlez en même temps que de Simone Veil, avec qui elle a été déportée. Et un motif qui revient beaucoup dans votre ouvrage, non seulement celui du tissage dont vous parliez, du tissage des différentes vies que nous vivons, mais aussi la gémellité. Et au fond, vous dites, je crois que ce sont vos mots, voilà, je porte en moi à la fois la Marceline et la Simone, la Marceline qui fume des pétards et qui veut dire merde à la vie, la Simone qui dit quand même, Marceline, tiens-toi droite et va de l'avant, il faut un peu, pense à ta posture également. Et vous êtes faite de ces deux-là, dites-vous. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'elles se disputent en permanence dans ma tête. Mais pas que moi. Je pense à une problématique assez féminine. Je rencontre souvent des femmes chez qui j'entends Marceline et Simone s'engueuler continuellement. En fait, c'était une amitié extrêmement puissante qu'elles avaient. Mais il y en a une qui a été incarnée par sa coiffure, ce chignon tiré, ce sens du devoir, ce dévouement, cet engagement politique. Et puis de l'autre, Marceline qui avait fait, comme sa coiffure, des choix un peu fous. Elles avaient une amitié profonde, mais je crois qu'elles racontent effectivement dans ma vie, dans la vie de beaucoup de femmes, ce tiraillement entre un sens du devoir et du dévouement qui est souvent, qui nous poursuit et qui nous hante. Et puis la volonté de lui dire merde, la volonté effectivement de suivre nos passions, notre liberté. Et ce qui est paradoxal, c'est que Simone, qui a incarné le devoir, finalement, elle a offert aux femmes de notre génération la liberté, notamment la loi Veil. Et Marceline, qui incarnait la liberté, je trouve que sa parole a été une parole qui nous a inscrits dans le devoir. C'est-à-dire que la combinaison, la gémelléité ou opposée entre les deux a fonctionné pour moi, et je crois pour beaucoup de gens, comme une puissance contraire qui avait à nous enseigner la vie. Mais dans les deux cas, elles ont vécu le pire, elles ont vécu le camp de concentration. Et quand on lit les pages que vous leur consacrez dans votre livre, on se demande si ce qu'on a vécu pendant notre vie, et selon qu'on ait été ou non confronté à la mort, de manière très proche ou de manière lointaine, eh bien, est-ce que cela détermine notre rapport à la mort ? En d'autres termes, est-ce que la peur ou non de la mort, le fait d'y être préparé, si cette phrase a un sens, mais paraît-il, il y a des gens qui se disent être préparés à mourir, est-ce que tout ça, c'est déterminé par ce que nous avons vécu ? Je crois que c'est déterminé par notre conscience de la cassure, de la brisure, qui n'est pas toujours la rencontre avec la mort. Il n'y a pas besoin, et heureusement, d'avoir une expérience concentrationnaire pour pouvoir s'engager dans la vie. Mais je crois que pour pouvoir pleinement s'engager dans la vie, il faut avoir une conscience subtile de sa fragilité, de sa vulnérabilité. Et il faut avoir été confronté, effectivement, à une conscience de tout ce qui casse. Vous savez, moi je crois que un des plus grands malentendus, une des phrases pour moi les plus erronées qu'on nous dit souvent, c'est qu'on se construit sur du solide. Moi je crois que c'est exactement l'inverse. Je crois qu'on se construit sur du cassé. On se construit toujours sur de la faille, sur les moments de nos existences où ça a vacillé, où on a été en faillite dans tous les sens du terme. Voilà, tout à coup, ça vrille, c'est vulnérable, c'est cassé. Et c'est là que quelque chose se construit. Alors c'est vrai que moi j'évolue dans une culture, ma culture de référence, ma culture juive, est extrêmement centrée sur cette idée de cassure et de brisure. Vous savez, tous les rites ou presque, et les récits les plus importants de la tradition juive, sont des histoires de cassure. Moïse descend du mont Sinaï et il fracasse les tables de la loi. Le judaïsme des rabbins débute ou est fondé au moment où le temple de Jérusalem est détruit. Quand on se marie, quand on fonde un foyer, on casse un verre. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. En fait, il y a une leçon très forte dans la pensée juive qui est un certain art de vivre avec ce qui est cassé. C'est-à-dire que de pas s'imaginer qu'on va pouvoir colmater, qu'on va pouvoir réparer. Et souvent, les gens pensent que pour continuer à vivre, il faut faire comme si c'était pas cassé, il faut réparer, il faut coller, il faut mettre du scotch, il faut colmater. Et je crois que c'est l'inverse, vraiment. Je pense que l'enjeu, c'est de vivre avec. C'est pour ça que le titre du livre m'importait, Vivre avec nos morts, parce que c'est pas juste vivre avec ceux qui ne sont plus là, vivre avec nos propres morts, nos propres cassures, nos propres failles, c'est de façon plus générale comment on fait dans la vie pour vivre avec ce qui nous arrive. Oui, et mais la mort est plus qu'une cassure. C'est une cassure qui, en fait, fait tout le temps partie de nos vies. La biologie ne nous apprend pas autre chose. En fait, en biologie, on le sait, ou dans les sciences de la vie n'est possible que parce qu'il y a la mort. En fait, là, quand on se parle dans ce studio radio, depuis qu'on a commencé notre conversation, il y a sans doute plein de cellules en nous qui ont engagé leur destruction, qui s'apprêtent à mourir. Et tant mieux, parce que la condition de la vie, de la survie, de la santé, c'est le travail je veux dire, main dans la main entre la vie et la mort dans notre corps. Donc la mort fait partie de la vie, et quand on les oppose, ce qui a souvent été le cas dans la philosophie, la vie et la mort, comme si c'était, je sais pas, le noir et le blanc, le in et le out, enfin je sais pas, une dichotomie absolue, je trouve que c'est assez erroné. En fait, moi je pense que la vie et la mort sont tout le temps à l'œuvre chez nous, et que la vie a besoin, la vie a besoin de la mort, et vice versa, en fait. Donc on est, il faut en prendre conscience pour pouvoir faire le choix de la vie. Vous savez, je vais en citer encore un verset biblique, je vous en prie. avec ma casquette de rabbin. En fait, dans le Deutéronome, il y a une phrase extraordinaire, dans l'Ancien Testament pour les chrétiens, dans la Torah pour les juifs, il y a cette phrase où l'Éternel, Dieu, dit « J'ai placé devant toi la vie et la mort, et toi tu choisiras la vie ». Et cette phrase, elle peut sembler grotesque, absurde. Si je mets devant vous la vie et la mort, bien sûr vous allez choisir la vie, pourquoi vous choisiriez la mort? Mais en fait, cette phrase, elle est extrêmement puissante et profonde. On nous dit qu'en permanence face à nous, en permanence, il y a la vie et la mort, mais qu'il existe une possibilité de faire le choix de la vie, même quand la mort est là. De faire le choix de la vie, même au cimetière, même dans le deuil. Et ça, c'est une injonction suprême. Et ça, c'est un choix. Vous pensez qu'on peut décider? Oui, je crois qu'on peut décider, mais je crois qu'on peut être aidé à décider par ceux qui nous accompagnent et qui vont faire leur travail de consolateur. Je crois qu'il y a un devoir pour nous de penser comment on peut être des êtres consolants. Oui. On est parfois très maladroit dans la consolation, on est parfois nul en consolation. Mais je pense que, voilà, à la place de la société de consommation, je propose une société de consolation. Mais la société de consolation, elle implique de travailler ça dès l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait pour être aux côtés de l'autre? Tout en sachant, et il faut être honnête là-dessus et pas être naïf, qu'il y a des situations dans la vie qui sont inconsolables. Mais c'est ça, ne sommes-nous pas irrémédiablement inconsolable? Oui, on est. Moi, je peux citer plein de moments dans ma vie dont je me consolerai jamais. Mais pour autant, je ne peux pas faire l'économie de m'engager sur un chemin de consolation, de la chercher et de me poser la question de comment je tente de l'apporter, parfois sans doute maladroitement, aux autres qui en ont besoin. C'est ça, mais quiconque a vécu un deuil sait très bien que dans ces cas-là, ça provoque des comportements. On n'est jamais prêt à vivre un deuil, on ne sait jamais quoi faire quand quelqu'un vit un deuil, on ne sait pas, les mots semblent maladroits, mais si on ne prononce aucun mot, on est encore plus maladroit dans le silence. Si on les prononce, on risque de tomber à côté, on ne sait jamais quoi faire dans ces cas-là. C'est extraordinaire de cette maladresse, il faudrait presque l'enregistrer, il faudrait poser vos micros un jour dans la maison des endeuillés, s'ils étaient d'accord, pour entendre à quel point on leur dit parfois n'importe quoi. On leur dit des horreurs, on leur dit des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Toujours avec une forme de bonne volonté. En fait, on veut bien faire, mais on est complètement à côté de la plaque. Et alors, il se passe toujours, toujours la même chose. On avait sans doute été témoin. Dans le deuil, bien souvent, les rôles s'inversent. Vous êtes là pour consoler quelqu'un à qui vient d'arriver quelque chose d'horrible. Et à un moment donné, c'est lui qui vous tend un mouchoir. Vous êtes en train de pleurer sur son épaule. Et vous ne savez plus qui est censé consoler qui. Ce renversement, il arrive extrêmement souvent. Dans ma tradition juive, mais dans bien d'autres traditions religieuses, il y a un principe, c'est qu'on ne doit pas s'adresser aux endeuillés tant qu'ils ne vous ont pas adressé la parole. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé rentrer dans la conversation, leur imposer notre conversation tant qu'eux ne l'ont pas sollicité. Ça crée parfois des situations étranges, parce que vous entrez dans la maison d'un endeuillé et vous ne lui dites même pas bonjour, vous vous taisez, ça peut sembler très antipathique. Mais en fait, il y a dans ce silence un respect de la parole en son temps nécessaire. Surtout pas s'engager dans ce que les Américains appellent le small talk, c'est-à-dire des petites conversations, du bavardage niais. Il faut simplement être là pour se soucier de ses besoins, se soucier de sa faim, de sa soif, de son bien-être, et attendre qu'il engage peut-être la conversation pour trouver les mots dont il aura besoin. Ce qui peut marcher avec les adultes, mais pas forcément avec les enfants. Et toi, tu peux mourir? Ouais. Ça me fait pas peur. Tu y penses pas? Pas beaucoup, mais j'y pense un tout petit peu. On n'est pas content et on n'est pas mécontent. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'elle ne les voit plus jamais après. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il vieillit, et après il devient de la cendre. Et puis la cendre s'envole. T'as déjà demandé à tes parents? De quoi? Ce qu'on devenait quand on était mort? Oui, mais ils m'ont dit, on t'expliquera d'autres fois. Et tu voudrais leur en poser des questions? Ah oui, mais ils me disent qu'il faut attendre que j'arrête 10 ans pour comprendre. Une des choses les plus difficiles à admettre, Delphine Horviller, c'est que, alors que nous pourrions croire que nous sommes en train d'avoir une discussion d'adultes, qui sommes capables de comprendre justement peut-être ce qu'est la mort, ce qu'est un deuil, ce qu'est la consolation, ces questions se posent de manière intacte dès le plus jeune âge. Et vous racontez dans votre livre une expérience que vous avez faite, où vous êtes allé auprès d'une famille qui venait de perdre un enfant, et vous êtes allé parler au frère d'Isaac, puisque c'est le nom de l'enfant qui est mort, et celui-ci ne voulait pas vraiment parler, puis tout d'un coup, il vous a demandé, il vous a dit, j'ai besoin de savoir où Isaac est allé, est-ce qu'il est sous terre ou est-ce qu'il est dans le ciel? Et c'est ainsi qu'il a formulé, alors, son besoin de consolation, son besoin de sens. Oui. En fait, il m'a demandé exactement, et il avait, on se sentait qu'il avait préparé dans sa tête cette question, il m'a demandé à deux reprises, où je dois regarder pour voir mon frère? Alors, j'ai pas compris tout de suite, moi, ce qu'il voulait dire. J'avais un peu l'impression d'être dans la situation, vous savez, du narrateur du Petit Prince, qui on demande, dessine-moi un mouton. Enfin, j'essayais de comprendre ce que dans son langage il me demandait. Et en fait, j'ai compris assez vite qu'effectivement, il avait été confronté à la maladresse de nous tous, adultes, qui, depuis quelques heures, lui répétions, comme pour nous rassurer, nous, que nous allions porter son petit frère en terre, mais que son petit frère serait au ciel, là-haut, ou deviendrait une étoile. Enfin, tout ce qu'on peut dire dans ces moments-là pour tenter de consoler avec parfois un langage enfantin, et qu'en fait, on avait multiplié les métaphores. Est-ce que l'enfant va sous terre? Est-ce qu'il repose là? Est-ce qu'il s'élève? Est-ce qu'il s'envole? Est-ce qu'il est au ciel? Et cet enfant voulait que je lui raconte l'histoire la vraie. Ce qui était compliqué pour moi, bien évidemment, c'est que cet enfant faisait appel à moi pour avoir des réponses. Mais face à la mort, on n'a pas de réponse. Et donc, la question, c'est, pour moi, c'était comment je pouvais lui faire comprendre que cette multiplicité de langage et cette incapacité des adultes à lui en parler racontait justement la mort, qui est le domaine de l'indicible, le domaine qui échappe aux mots. Et comment est-ce qu'on a tous besoin de démultiplier les images et les façons d'en parler pour l'appréhender, voilà, pour l'approcher. Et ça a été un moment extrêmement troublant pour moi que d'accompagner cet enfant. Ses parents avaient fait appel à moi parce que, voilà, ils pensaient que je pourrais apporter des réponses. Et il fallait que je trouve les réponses en ne les apportant pas aux côtés de cet enfant. Et ça a fonctionné? Enfin, est-ce que vous avez réussi à apporter un peu de paix ou de consolation à cet enfant? J'espère en tout cas que, en tout cas, j'ai senti le lendemain, en me tenant à ses côtés, aux côtés de ses parents au cimetière, que cet enfant savait, comprenait qu'il était pour toujours le grand frère de celui qui était parti, qu'il avait été un grand frère et qu'il le resterait. Et pour moi, voir que, bien entendu, au cimetière, les gens s'effondrent, mais souvent on perçoit au cimetière la capacité subtile qu'ils vous suggèrent qu'ils arriveront à se relever. Et en fait, vous savez qu'en cet instant, vous êtes là pour leur dire d'avoir confiance en cette possibilité à se relever qui viendra. Mmh. Et vous racontez l'importance dans ces moments-là, les moments d'enterrement et après un décès, de l'importance des textes, vous l'avez dit, mais aussi des rites. Vous racontez la façon qu'a le drap d'être cousu autour du corps, et que s'il est mal cousu, justement, bah, ça peut devenir un fantôme qui a bien un drap blanc qui va venir hanter les générations suivantes. Le fait qu'il ne faut pas parler aux personnes endeuillées, qu'il ne faut pas porter d'habits neufs aussi, notamment. Il y a beaucoup de rites, au fait, auxquels on peut se raccrocher. Est-ce que ces rites-là, ils ont une valeur consolatrice, ou est-ce que c'est une manière de s'inscrire dans une tradition qui, donc, par définition, nous dépasse et ainsi nous permet de relativiser notre propre deuil? On se sent moins seul quand on se raccroche à des choses qui rythment la société depuis des millénaires. Oui, c'est une façon de relier les générations les unes aux autres. Un des sens du mot religieux, on le sait, c'est la capacité à créer des liens. Donc, on crée des liens avec ce qui était avant nous, avec ce qui est, avec ce qui sera, avec nos familles, avec les générations tissées les unes aux autres. Mais je crois aussi que le rite, il sert à dire sans les mots justement ce que les mots n'arrivent pas à dire. Vous savez, par exemple, au cimetière, dans le judaïsme, après un enterrement, on déchire un vêtement, c'est-à-dire qu'on s'approche de l'endeuillé et on fait une petite encoche dans un col de chemise ou de pull et on arrache le tissu. Et en fait, cet arrachement, cette coupure, il vient raconter ce que les mots ne peuvent pas dire, mais qu'on perçoit tous en cet instant, à savoir que le deuil est une déchirure dans la fabrique de la vie. C'est une déchirure dans le tissu de nos existences. Et on aura beau recoudre, essayer de repriser, il va toujours rester une trace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, encore une fois, qu'on va pouvoir colmater, effacer, réparer. C'est pas réparable. Il y aura toujours une trace de ces fils arrachés. et on le porte sur soi. Et dans le deuil, donc on vit pendant toute la semaine du deuil avec un tissu arraché qui, en fait, comme bien d'autres rites, raconte ce que les mots peuvent pas dire. Je peux donner un autre exemple de ça. Vous savez, dans la tradition juive, on pose des petits cailloux sur les pierres tombales. Au lieu de poser des fleurs, on met des cailloux. Et en fait, ce caillou, il vient raconter lui aussi une histoire que les mots peinent à raconter. Il vient dire notamment que, contrairement aux fleurs, qui vont faner et disparaître, le caillou, comme la mémoire qu'on garde de la personne qui part, va rester dans une forme permanente. Il y a une possibilité de durabilité, de permanence du souvenir. Et puis, il y a un jeu de mots étrange, presque lacanien. Il se trouve que le mot caillou, en hébreu, ça se dit even, et c'est un combiné de deux mots accrochés l'un à l'autre. Av et ben, ça veut dire les parents et les enfants. Donc en fait, quand on pose un caillou sur une tombe, on écrit à travers ce geste sur la tombe, parents-enfants, on écrit que l'on croit être l'héritier de cette personne, que l'on soit ou non son enfant biologique, on s'inscrira dans son héritage. Mais il faut avoir une faculté d'imagination, de symbolisation, pour pouvoir croire en tout ce que vous racontez, au fond. Il peut y avoir des tempéraments peut-être ultra-rationalistes et volontaristes qui vous diront, mais de toute façon, ça, ce sont des blabla. La religion, j'y crois pas. Les textes, je les connais pas. Et tout ce que vous me racontez, au fond, me fait une belle jambe. Moi, j'ai perdu quelqu'un de cher et je suis inconsolable. On peut tout à fait considérer que c'est des superstitions, des bondieuseries, tout ce que vous voulez, mais derrière ça se cache un langage qui a une puissance de reconstruction et qui suffit d'écouter avec l'oreille qui est la vôtre. Et l'oreille de quelqu'un d'autre n'a pas besoin d'être la mienne, la croyance de l'autre n'a pas besoin d'être la mienne pour que ces rites puissent l'aider, le consoler et l'accompagner. Et pourquoi pas même aller jusqu'à en rire. My mother died, you know, giving birth to me. Mais on est morbide, tu sais, parce que tu crois que tu vas mourir. Mais c'est pas vrai, tu sais, de nos jours, il y a des lasers, il y a toutes sortes, Chloé, toutes sortes de trucs. Et toi et la science. Richard, crois-moi, je t'assure que ce n'est rien. Rien du tout. Je suis pas inquiet. Vous êtes en pleine forme. Ah, en pleine forme. Oui, c'est vrai. Vous avez une petite inflammation dans le bras. C'est vrai, c'est formidable. Ça, oui, tu vois, c'est ce que je dis toujours. Merci. Les mots les plus doux à entendre, ce n'est pas du tout je t'aime, mais c'est bénin. On pourrait faire d'autres analyses, mais je ne crois pas que ce soit fantastique. Votre cœur est en parfait état. Je me suis fait mal au dos la semaine dernière en ouvrant le compartiment congélateur du Harry dans tous ses états, c'est Woody Allen, le film de 1997. Woody Allen est celui auquel on pense en premier quand on se demande s'il est possible de rire en parlant de la mort, et avec lui la réponse est oui, Delphine Horviller. Oui, il le dit très joliment, je crois que c'est une de ses phrases, il dit que depuis qu'il sait qu'il va mourir, il ne peut pas être complètement détendu, mais personne ne peut être complètement détendu. Mais pourquoi faudrait-il être complètement détendu d'ailleurs? À quoi ça sert? Effectivement, il incarne l'hypochondriaque absolu. Moi, je me reconnais assez dans ce personnage, ah oui, de dire, l'hypochondrie fait partie de ma vie. Mais effectivement, je crois que le rire et la possibilité de rire est quand même... C'est Romain Garré qui disait ça, que le rire est une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. En fait, la possibilité de rire de ce qui nous arrive est la preuve de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive, sur ce qui nous frappe. C'est pas toujours possible, ne soyons pas naïfs. Ouais. Parfois, certaines morts surgissent à un moment avec une violence ou en un temps qui ne permet pas au rire d'être là. Mais moi, je dis souvent, mais c'est ce que je nous souhaite à tous, je nous souhaite que des gens puissent rire à nos enterrements. Parce que je trouve que c'est une vraie chance quand on peut accompagner quelqu'un, qu'on a le sentiment que sa vie a eu une couture, pour utiliser l'image qu'on dit de cela, ou une clôture qui nous permet aussi de rire, d'évoquer des souvenirs en riant, et encore une fois, de ne pas simplement être projeté dans le drame et la tragédie de cet arrachement. Après, on n'est pas tous égaux face au rire, et selon la culture dans laquelle on est, le tempérament que nous avons, et la famille aussi dans laquelle on est, le rire vient plus facilement. Le problème du rire, c'est que c'est pas une question de choix, en fait. Non, mais on peut apprendre à rire, vous pensez? Je pense qu'on peut-être pas à rire, mais on peut apprendre à mettre une distance dans l'interprétation. Je pense qu'on peut apprendre à opérer une distance continuelle, par un décalage par rapport à ce qu'on est en train de vivre, un décalage aussi par rapport aux mots. Souvent, le rire, il vient d'un jeu de mots. Et c'est quoi le jeu de mots? C'est la conscience qu'un mot peut vouloir dire autre chose, qu'il y a un malentendu duquel va surgir un mot d'humour, un décalage, un éclat de rire. Moi, j'ai vécu beaucoup d'enterrements ou de cérémonies du souvenir où les rires ont surgi, où les fous rires ont surgi. Parfois, le fou rire, il vient raconter quelque chose de très particulier. dans un enterrement. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai assisté un jour, c'est pas comme rabbin, mais j'assistais à une cérémonie de crémation, ce qui n'est pas du tout traditionnel dans le judaïsme. Et la famille n'avait pas fait ce choix de la crémation, c'était le choix du disparu. Et une de ses filles, qui n'était pas tellement d'accord avec ce choix de la crémation de son père, a fait tout un discours où, sans s'en rendre compte, dans chaque phrase, elle utilisait une métaphore de feu. Donc elle a dit qu'il a brûlé sa vie par les deux bouts, qu'il a vécu tout feu, tout flamme, que sa vie n'était qu'étincelle. Et au bout d'un moment, il y avait une telle accumulation inconsciente dans son discours de métaphore de feu que tous ses proches se sont mis à rire. C'était à la fois pas drôle et extrêmement comique. Vous voyez, ce moment où tout à coup, la vie et la mort se tiennent la main, le dramatique et l'humour peuvent habiter le même monde en un instant. J'imagine, et ça vous le dit dans votre livre, qu'une des questions qu'on vous pose beaucoup, c'est, bon, alors, la mort, vous êtes habitué, maintenant, vous la côtoyez de si près, la mort des autres, évidemment. Est-ce qu'on n'est jamais prêt à mourir? Est-ce que votre propre mort vous effraie, Delphine Horviller? Oui, souvent on me pose cette question, j'imagine qu'on la pose aussi aux urgentistes, aux médecins, aux gens qui travaillent dans les soins palliatifs, et moi, je dois être honnête, j'ai toujours aussi peur de la mort que quand j'en avais peur la nuit de mes 10 ans, où il m'a semblé qu'elle entrait violemment dans mon existence. Donc je ne crois pas vraiment qu'on puisse, en tout cas moi je ne crois pas que je pourrais cesser d'en avoir peur. Ce qui me console, c'est de voir que bien des grands hommes ont eu peur de la mort jusqu'au bout de leur vie. Dans le livre, je cite l'exemple absolu dans la tradition religieuse qui est Moïse. Vous savez, Moïse, c'est l'homme qui a vu Dieu en face à face, qui lui a parlé. On pourrait s'imaginer que lui, il avait peut-être des raisons de ne pas être inquiet à l'approche de la mort. Et en fait, pas du tout. Dans nos textes, on voit que Moïse est l'homme parmi tous les héros de la Bible qui était le plus paniqué à l'idée de mourir. Il y a toute une littérature rabbinique, une littérature religieuse qui raconte à quel point Moïse suppliait Dieu de lui prêter vie encore un peu. Donc voilà, moi je pense que la peur de la mort fait aussi partie de la vie. Ce que m'a simplement appris l'accompagnement des morts, c'est que face à elle, comme l'aurait dit Marceline, il y a toujours un moyen de lui dire qu'elle n'aura pas le dernier mot. C'est-à-dire que oui, elle va surgir, mais quand elle surgira, il faut nous efforcer que nos proches, que ceux qui nous accompagnent, aient les moyens, même face à la mort, de faire gagner la vie. Mais ça, comment on s'y prend? Encore une fois, par les mots, par le langage, par le récit. Moi, je crois à la conversation qui a lieu avec nos morts, même après leur mort. Je crois que, voilà, c'est pas un point final. Encore une fois, c'est pas une parole de bondieuserie, maintenant, de vie après la mort. C'est beaucoup plus, vous l'entendez, symbolique ou allégorique que ça. Je pense qu'il y a moyen de percevoir dans nos vies si fortement la trace qu'ont laissé ceux qui nous ont quittés dans notre façon d'être, dans notre façon de rire, de nous taire, d'agir, de vivre. Mais conversations, vraiment? Oui, des conversations. Qu'il y a quelque chose... Moi, je peux identifier souvent dans ma façon d'être au monde... Je peux poursuivre ma conversation avec Marceline aujourd'hui de bien des manières, dans une façon que je vais avoir d'agir, de réagir, d'envoyer bouler. En fait, parce que je sais ce que je lui dois, je sais de quelle manière celle que je suis aujourd'hui doit tant à son modèle, à sa façon d'être au monde, c'est une conversation qui continue. Je souhaite que vous ayez raison, Delphine Horviller. Merci en tout cas pour vos mots et pour cette conversation. J'ai toujours envie de dire conservation quand je dis conversation. C'est un lapsus que je soumettrai à quelqu'un dont c'est le métier, n'est-ce pas? Restez avec nous parce que vous allez nous parler de vos livres de chevet, les livres qui vous sont chers. Mais avant cela, on va entendre une chanson. Vous l'avez citée. Vous pouvez pas y échapper maintenant. Évidemment, Jean-Jacques Goldman, vous avez le choix. On a deux chansons de Goldman pour vous. Soit on peut écouter On ira, soit on peut écouter En passant. Laquelle choisissez-vous? Alors, sans aucun doute, En passant. Et pourquoi? Vous voulez nous dire quelques mots avant qu'on l'écoute? Oui, j'ai raconté cette histoire. Je ne sais pas si vous voulez que je raconte cette histoire, mais en fait, il y a quelques années, c'est une question libre. Peut-être que vous savez. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être ramenée chez moi en moto par Jean-Jacques Goldman. Mais que non. J'ai croisé dans la rue, oui. Et en fait, quelques mois plus tard ou semaines plus tard, il a sorti cet album En passant. Et dans mon imagination fertile, j'ai imaginé que c'était notre rencontre qui l'avait inspiré. Alors voici le récit de votre rencontre. Toutes les ébènes rendez-vous l'embout de nuit quand nos ondes je ne sais où. J'avais les yeux perçants avant, je voyais tout. Doucement reviennent à pas de loup. Reine endormie, nos déroutes anciennes coulent les fontaines jusqu'où s'échouent. Les promesses teintes et tous nos voeux dissous. C'était des ailes et des rêves en partage. C'était des hivers et jamais le froid. C'était des grands ciels épuisés d'orage. C'était des paix que l'on ne signait pas. Des routes m'emmènent, je ne sais où. J'ai vu des oiseaux, des printemps, des cailloux. En passant, on retrouve les cailloux et on vous entend chantonner évidemment Delphine Horviller. Il nous reste quelques minutes pour écouter les histoires que vous nous raconterez autour des livres que vous lisez, que vous avez lus, que vous lisez en ce moment. Vous en avez trois, on a une petite minute par livre. Quel est le premier, je crois, qui s'appelle Yuval Noah Harari? Oui, Yuval Harari, c'est un best-seller. Maintenant, je crois qu'il a été traduit dans un nombre incroyable de langues, son livre Sapiens. En fait, il explique à quel point les hommes sont des êtres de récit et que c'est à la fois leur vulnérabilité, leur force. Il y a une petite phrase dans le livre que j'adore. Il dit qu'on n'arrivera jamais à convaincre un chimpanzé qui vous donne sa banane si vous lui promettez que dans l'après-vie, il aura 1000 bananes au paradis des chimpanzés. Alors bien entendu, lui nous explique qu'on peut convaincre les hommes de bien des histoires et que ce qui pourrait apparaître comme une naïveté, une vulnérabilité, est la source de la puissance humaine. Parce qu'on peut se raconter des histoires et croire aux histoires qu'on nous raconte, on a pu construire des sociétés, on a pu construire des projets et on a pu effectivement s'allier, créer des alliances pour construire le monde. Ça c'est pour le premier. Le second, en écho aussi avec ce que nous venons de dire, on a beaucoup parlé de gémellité et le deuxième livre s'appelle Pseudo. Oui, Pseudo, c'est vraiment de mes livres de chevet sur lesquels je travaille aujourd'hui parce que ça nourrit énormément mon imaginaire. Pseudo, c'est un livre de Romain Gary écrit sous le pseudo de Émile Ajar où il pousse vraiment jusqu'au bout sa folie d'usurpation d'identité. Et donc c'est un livre un peu psychiatrique. D'ailleurs, ça se passe dans une clinique psychiatrique à Cahors. C'est un délire littéraire, mais qui, à mon sens, est un très puissant outil de réflexion sur l'identité. Vous savez, cette identité qui aujourd'hui nous assaille de toutes parts. Toutes ces obsessions d'être soi, vraiment soi, purement soi, authentiquement soi. En fait, c'est le contre-pied parfait que propose Romain Gary dans ce livre. En fait, il explique encore et encore dans Pseudo que pour bien se comprendre, pour créer une vraie fraternité, il faut s'assurer que l'autre ne vous comprend pas complètement, vous ne le comprenez pas complètement. C'est une réponse à ceux qui voudraient que pour traduire quelqu'un, il faudrait être cette même personne. C'est ça, oui. Vous en parlez dans votre livre, il vaut mieux ne pas se comprendre pour vivre une histoire d'amour réussie, ça je vous laisse méditer là-dessus. Et le dernier livre est de Gérard Haddad. Oui, ça c'est un livre tout récent qui vient de sortir mais que j'ai beaucoup aimé, un livre de Gérard Haddad sur les origines de la violence où en fait il revient sur ce mythe fondateur de la Genèse qui est Cain et Abel pour parler des origines de la violence dans la rivalité fraternelle et que peut-être il y a eu un non-dit ou un cachet de la psychanalyse qui s'est beaucoup intéressé au complexe d'Oedipe mais peut-être pas assez au complexe de rivalité fraternelle. Et qu'on peut y voir une source importante de la violence dans notre société. Cain, c'est le monde qui, dans nos vies, dure, ce qui aspire à durer. À chaque fois qu'on se dit « pourvu que ça dure », c'est la voix de Cain qui parle en nous. Mais la voix de Abel, elle est aussi là pour nous rappeler que ça ne va pas durer, que peut-être Abel, qui en hébreu veut dire éphémère, est la voix en nous, dans nos vies, qui nous dit que c'est cassable, c'est faillible, mais ça vaut quand même la peine d'être vécu. Sachant qu'Abel est celui qui a été tué. Voilà, parce qu'en fait, la voix en nous qui voudrait que ça dure aimerait bien pouvoir assassiner celle qui lui dit que ça va pas durer. Bon, en tout cas, cette émission est terminée. Ça va pas durer, mais ça peut durer si on la réécoute. J'essaie de m'en sortir. Abel et Cain sont tous les deux présents. Un grand merci, Delphine Horviller, d'être venue ce matin nous parler de votre livre et de votre pratique « Vivre avec nos morts ». C'est ainsi qu'il s'appelle. Il est aux éditions Grasset. On mettra en ligne votre bibliographie. Elle est très riche également. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, Frédéric Worms pour sa chronique « Philo du jour », le pourquoi du comment. Pourquoi chaque métier a-t-il son éthique? Il y a quelque chose de troublant pour ceux qui croient que la morale est universelle, et l'éthique aussi, et ils ont raison. Il y a quelque chose de troublant dans ce qu'on appelle les éthiques locales, et parfois aussi les éthiques professionnelles. Nous parlons en effet, et à bon droit, de l'éthique du journaliste, de l'éthique du professeur, de l'éthique du policier, de l'éthique du magistrat, de l'éthique professionnelle dans son ensemble, et par exemple, pour les médecins, on a même inventé la bioéthique, qui est l'éthique spécialisée dans la recherche et dans la pratique des sciences de la vie et de la santé. Mais il y a là quelque chose comme un mystère, quelque chose d'étonnant. Pour être un être juste, n'avons-nous pas seulement à appliquer des principes universels? En quoi l'éthique du policier se distinguerait-elle de l'éthique du médecin ou de l'éthique du magistrat? Comment peut-il y avoir des éthiques locales? Or, d'une certaine façon, non seulement c'est quelque chose de très précis et de très profond qui conduit à ce qu'on appelle la déontologie, encore une fois, policière, journalistique, médicale, qui s'affiche aujourd'hui dans des chartes, dans tous les lieux de travail. Non seulement donc cela désigne quelque chose de très précis dont il faut dire un mot, mais peut-être que cela nous conduit au cœur de l'éthique en général, non pas une contradiction de l'éthique universelle, mais sa source vive. Regardons de plus près. Qu'est-ce que l'éthique professionnelle? Par exemple, l'éthique d'un professeur. L'éthique d'un professeur, c'est très simple, c'est que dans le métier de l'enseignement, on construit une relation humaine tout à fait précise, avec un cadre qui donne des pouvoirs précis aux uns sur les autres. Par exemple, un pouvoir d'entraînement, un pouvoir de conviction, un pouvoir d'une séduction liée à ce pouvoir, et donc d'une certaines façons, on voit apparaître des risques humains au cœur d'un métier très précis et lié à son abus possible. Il est évident, par exemple, que la médecine, comme pouvoir donner à quelqu'un d'agir sur notre corps, et par exemple au gynécologue sur le corps féminin, mais ça vaut pour tous les corps, bien entendu, la médecine donne à quelqu'un un pouvoir particulier au nom d'un but moral, au nom du soin lui-même. Et donc, il y a des risques spécifiques à chaque métier comme relation humaine. Et c'est cela que nous appelons la déontologie. Bien sûr, le policier doit respecter la loi en général, mais il doit aussi respecter ce supplément d'éthique qui est lié au pouvoir même qu'on lui donne pour faire respecter la loi. Les éthiques professionnelles, qu'on appelle des déontologies, c'est-à-dire la liste des devoirs précis, déontos, c'est devoir faire, du devoir particulier à un État, ce qu'on appelait les devoirs d'État. La déontologie est donc partout, dans chaque métier, parce qu'il y a des relations singulières. Mais pourquoi alors faut-il y voir aussi la source de la morale en général? C'est parce que la source de la morale, ce ne sont peut-être pas des principes abstraits, peut-être pas même des vertus individuelles, mais d'abord l'expérience des violations dans les relations individuelles qui nous conduisent à ces principes. La source de la morale est toujours relationnelle et concrète. Par exemple, une violence entre une mère ou un père et ses enfants, entre frères dans le fratricide. Et peut-être que la source de la morale, ce sont toujours nos déontologies particulières, nos déontologies ultimes, nos éthiques relationnelles. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster via l'application Radio France. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Laure Blanqui en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Élise Leu. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions autour de l'angoisse. Lucrèce, Montaigne, Pascal, Kierkegaard, Freud et le peintre Edvard Munch. La semaine prochaine, bonjour l'angoisse. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou en téléchargeant l'application Radio France. C'est très facile à faire et elle vous permet d'écouter toutes les émissions de votre choix, en direct ou en téléchargement à l'heure, qui vous convient le mieux. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À lundi, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.